10 heures du matin, on frappe. Entrez. Devant moi, un grand gaillard. Brideau, un de vos élèves de camp. Eh oui, je me rappelle. J'avais un garçon qui s'appelait ainsi, dans la division, à qui je conseillais de ne rien faire lors de mon avènement provisoire à la chaire de rhétorique. Eh bien, qu'êtes-vous devenu? J'ai crevé la faim. Une fois mon bachot en poche, je me suis fait ouvrier, ouvrier graveur. Que de fois j'ai songé à vous, à ce que vous nous disiez de l'éducation universitaire. Je croyais que vous plaisantiez dans ce temps-là. Oh, si vous avez écouté. Mais ce n'est pas tout ça. Je ne suis pas venu pour larmoyer mon histoire. Depuis 3 ans, j'appartiens à une section blanquiste. Les sections vont marcher. Blanqui, théoricien et homme politique socialiste, un des leaders lors de la manifestation de février à mai 1848. Brideau, gardez votre secret. Je ne veux pas avoir ma part de responsabilité dans une tentative qui avortera et dont le seul résultat sera d'envoyer des gens à la prison de Mazas et aux centrales. C'est une mission que je remplis. Hier, on a parlé de ceux qui sont hommes à dresser l'oreille si un coup de pistolet part dans un coin. Votre nom est venu, l'un des premiers, sur les lèvres de Blanqui. Il vous connaît par les camarades et a décidé qu'on vous avertirait. Maintenant, vous ferez ce qui vous plaira. Je sais qu'on ne vous entraîne point ou ne voulez pas aller. Mais cet après-midi, à 2 heures, soyez devant la caserne de la Villette et vous verrez commencer l'insurrection. 1h30. J'y suis. 4 pelés. Brideau, Hud, un garçon brun en casquette et un vieux à la tête longue et douce. Blanqui est là-bas, près du battleur. Rataplan, plan, plan. Est-ce cette caisse de foire qu'on va battre la charge, dis-moi, Brideau? Ah, il y a assez longtemps que nous avons un compte à régler, citoyen Vintra. Je vous tiens et ne vous lâche plus. Le hasard m'a jeté dans les jambes un mécanicien du quartier avec lequel nous sommes pris aux cheveux quelquefois. Il est communiste, je ne le suis pas. Oh non, il ne me lâche plus. Il me force à lui faire un bout de conduite. Vous êtes collé, avouez-le donc, fait le mécanicien, en choquant gaiement son verre contre le mien. Ah, si nous tenions jamais le pouvoir. Le pouvoir? Ils sont 6 là-bas, près du saltimbanque, qui sont en train de s'en emparer. Mais je ne préviens point le camarade. Je ne me reconnais pas à ce droit-là. Je me contente de lui demander s'il pense qu'un mouvement, commandé par des hommes d'attaque, entraînerait le peuple contre l'Empire. Il prend une allumette et la frotte lentement contre sa culotte. Il n'y a qu'à faire ça, tenez, et tout flamberait. Rien que ça. Vous croyez, l'ami? Les mouchards sont en train d'envisager les suspects. 4 heures. Pas un bruit, pas une rumeur. Mauvaise date que le dimanche pour les insurrections. C'est Gustave Mathieu, le poète, et Régnard le Chevelu qui m'apprennent qu'une trentaine d'individus se sont jetés sur la caserne des pompiers de la Villette et ont fait feu sur les sergents de ville. Une imprudence a fait arrêter Eudes et Brideau. Conseil de guerre. Verdict, la mort. Comment les tirer de là? L'on pense que si un grand, tel que Michelet, parle, sa voix sera entendue. Et peut-être écoutée. On s'est rendu chez lui. Il a accueilli d'emblée la proposition. Il ne s'est plus agi que de savoir à qui serait envoyée cette missive. Au chef de la défense, ai-je proposé. Bien, très bien. Mais en même temps, il se lève, passe dans la salle voisine, puis il revient. Madame Michelet, de votre avis? Il en passe à la rédaction. Enfin, quand tout est terminé, il veut consulter encore une fois son égérie. Et nous en sourions, mais avec une larme d'émotion aux yeux. Je le défie, en tout cas, de fusiller un dimanche. L'appel se termine par ces mots, ou d'autres, du même sens. Dieu qui regarde les nations. Dieu, cela ne va pas à notre carte ronde athée. Il y a une moue et un silence. Michelet regarde les physionomies et, haussant les épaules, dit « Sans doute, mais ça fait bien ». Nous sommes allés porter la lettre dans les journaux. On s'est même disputé cet honneur. Ah, sacrebleu! Que j'ai donc bien fait de n'être d'aucune coterie, d'aucune église, d'aucun clan et d'aucun complot. Au débat, un homme qu'on désigne comme Maxime Ducamp est dur pour les vaincus. On a couru chez les députés de Paris. qui ont fait des promesses vagues. Gambetta s'acharne sur les condamnés. Ah, bandit, il sait mieux que personne que ce sont des gens de cœur qui ont fait le coup.